C'est bon? Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ici, puis de retrouver nos intervenants donc, dans le cadre de la programmation culturelle de l'exposition Migration. Donc Patrick Prado, qui est ethnologue et réalisateur, et Guy Barbichon, qui est socio-ethnologue. Alors vous préciserez peut-être un peu ce que recouvrent ces désignations. Et donc ce soir, vous allez surtout parler des Bretons de Paris, sujet que vous aviez abordé déjà, c'était en 78, c'est ça, ensemble, puisque vous avez travaillé beaucoup ensemble tous les deux. Et cette conférence hein, qui s'articule comme d'habitude, c'est-à-dire une petite heure d'intervention, je serai obligée d'intervenir si c'est trop long, et pour laisser la place à des échanges, trois quarts d'heure, quoi, et puis qu'il y ait le temps de questions. Donc cette conférence a été donc coprogrammée avec le laboratoire, le groupe de recherche Hermine. Et je vais laisser Ronan Le Quadic présenter Hermine. Donc, bonsoir à tous. Donc, Hermine est un groupe de recherche à Rennes 2, à l'intérieur d'un laboratoire. Et Hermine, c'est l'abréviation de équipe de recherche sur les minorités nationales et les ethnicités. Et donc, on travaille à la fois sur la Bretagne et puis sur des minorités qui peuvent présenter des points communs avec la Bretagne, qui peuvent avoir vécu des expériences comparables un peu partout à travers le monde. Et là, donc, cette année, ça s'est fait par hasard, mais on s'est lancé sur le même programme que le musée, c'est-à-dire les migrations de Bretagne et vers le Bretagne. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble. Mais au départ, ça s'est fait de façon parallèle et avec en plus des intervenants communs, puisqu'il y avait Anne qui est là quelque part, Anne Diaz, qui était à la fois à Hermine et puis au musée de Bretagne, Angelina Etiamble et puis Anne Guillou, etc. Donc, Anne Morillon, pardon. Voilà, Hermine, c'est un groupe de recherche. Jusqu'à présent, on travaillait uniquement entre chercheurs. Et puis, finalement, on trouve que c'est très, très judicieux, très utile, très profitable d'ouvrir un petit peu nos travaux au grand public et d'échanger. Voilà. Et s'il y a des gens que ça intéresse, vous pouvez prendre contact. Là, il y a plusieurs personnes d'Hermine là, que dans cette table. Là, si vous voulez prendre contact et puis poursuivre éventuellement, s'il y a des chercheurs parmi vous, etc. Voilà, merci. C'est à vous alors. Merci. Merci d'être là. Nous avons travaillé tous les deux pendant une dizaine d'années sur les migrations bretonnes et j'ai eu mal à parler parce que j'ai fait un AVC. Alors j'arrive un peu à parler encore et pour lire, ça sera Guy qui aidera à ma place les portraits de Bretons à Paris. Vous allez voir, on va démarrer par des portraits de Bretons pour que ce soit concret, que ce soit vivant les Bretons vivant à Paris et l'image des Bretons et des Parisiens, image croisée. Ensuite, un entracte en image avec un film que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans sur un village que j'ai avec des amis que tu connais, André, que j'ai connu à Lorient, André Le Gall, des amis, on a décidé un jour de quitter Paris et de s'installer en Bretagne, dans le Morbihan. Il y aura un extrait de 5 minutes qui montrera comment on est sur place et comment on va à Paris pour assister à une fête bretonne très particulière qui est la fête de procession des Bretons aux arènes de Lutèce. Pourquoi je choisis ceci? Parce que un camarade de Brest, la cinémathèque de Brest qui est là, je crois, monsieur Delso, a envoyé un film ancien de 1960 de l'émission bretonne à Paris et qui montre la même fête 20 ans avant que moi je l'ai filmé en noir et blanc et en muet. Et c'est une fête qui n'a rien à voir 20 ans avant. C'est une énorme fête avec évêques, curés, le recteur, les autorités et des danses et des chants magnifiques. Et alors que la mienne est déjà un peu réduite. Et aujourd'hui, il y a des fêtes qui sont moins bretonnes que parisiennes parce qu'il y a une autre manière d'être breton à Paris en 2013. Voilà, on va commencer par des portraits un couple d'amis d'Arzano, pour ceux qui connaissent le Morbihan, Arzano est près de Quimperlé, un couple d'amis hommes bretons de 20 ans qui quittent Arzano et qui arrivent à Paris et qui rêvent de revenir en Bretagne. C'est un type de migrants qui font l'aller-retour, commutation entre la Bretagne et Paris. C'est le numéro 1. Alors, H, qui est, disons Henri, de Languidic, hein, fils d'agriculteur, il va travailler au lycée de Lorient. J'y suis entré, nous le citons. C'est pas celui-là. C'est le 3, ça veut dire. Le 1, ça veut dire. Ah si, pardon, excusez-moi, ça va. On s'y met peu à peu. Hein. Oui, alors, il nous dit, j'y suis entré par un ami qui connaissait très bien mes parents et qui avait travaillé dans une ferme dans le village. Il m'a parlé des avantages, des vacances, le travail, c'était une place sûre. Et puis un jour, il est arrivé, j'étais en train de faire un chargement, je suis rentré au lycée. J'ai fait plongeur, n'importe quoi. Ils m'ont gardé. Je suis resté 2 ans à Lorient. J'aurais pu rester, mais j'avais pas beaucoup de chances de promotion. J'aurais pu demander un poste en Bretagne, mais mon copain me dit on va demander Paris, parce qu'on avait beaucoup plus de chances d'avoir un poste tout de suite. En Bretagne, c'était déjà plus difficile. Alors j'hésitais, et puis il s'est trouvé que j'avais un logement à Paris par le lycée. Alors je me suis dit, tant pis, on va y aller, on verra bien. Tous les deux, on a demandé notre mutation. C'est lui qui, au départ, m'a entraîné un petit peu. Sinon, je ne serais jamais parti. Oh non, de moi-même, non. Et c'était comme ça. C'était mon meilleur copain, mais lui, il a fait 1 an à Paris. Il s'est marié à Paris avec une fille de là-bas. Puis il a réussi à partir. Il est resté 1 an. Quelle chance, c'est ce que je voulais faire. Et je suis là depuis 1962. Donc, on est en 1975. Et M, de Mellerand, il part en 1952, sans aucune ambition, sans chercher à s'élever. Et le voyage se fait à Troyes avec son cousin et un gitan, rencontré lors de travaux saisonniers dans le Loir-et-Cher, et puis à deux avec son cousin. On s'est entraînés tous les deux, on est partis du Loir-et-Cher, on avait acheté une vieille voiture que j'ai revendue avant de venir à Paris. J'avais pas où la laisser à Paris, on est venu à Paris à vélo, on s'arrêtait à l'hôtel, on avait gagné un peu de sous, on dépensait beaucoup, on ne savait pas où aller loger, on est arrivé chez sa sœur, on a logé chez elle pendant quelques temps. Alors on voit le thème de la sœur qui arrive déjà, et c'est important, les migrants bretons sont très souvent entrés à Paris grâce à la sœur qui était d'abord venue peut-être comme bonne, comme vous savez, et plus tard, elles ont été des introductrices, initiatrices de la ville auprès de leur frère cadet. On verra un cas tout à l'heure d'une sœur qui vient à Paris et qui crée un véritable mouvement du village vers Paris. On a, ça, c'était Mellerand à Languidic. Là, on a maintenant Arzano avec deux copains qui partent à Paris, mais un peu à reculons. Alors, c'est le 3. Le deuxième citation. Ah oui, pardon, excuse-moi. Le deuxième, oui, c'est ça. Alors, on est là dans le cas du jeune G d'Arzano, qui est aussi caractéristique. Alors, fils d'agriculteur, il est l'élève d'une école d'agriculture. De 15 à 18 ans, où il passe le BPA. Il a brevet professionnel d'agriculture, je crois. Il revient, Jean sans terre, pour devenir aide familiale non payée sur la ferme des parents, encore jeune. Son désir d'indépendance et de salaire autonome lui fait prendre un emploi de plâtrier dans la ville proche. exploités et sous-payés, il se forge une autre idée de l'indépendance qui l'entraîne sur les voies de la SNCF à Paris, où l'accueillera un ami originaire du même village et employé de la même compagnie. Il sait que la SNCF offre à ses employés des voyages gratuits, rendant possible de fréquents retours à son lieu d'origine. Ce qu'il veut dès le départ, c'est être muté au pays. Cela prend au moins 5 ans. En attendant, il rêve de moutons en comptant les colis express à la gare Montparnasse. Il ne sait pas encore s'il fera carrière à la SNCF. L'important, c'est de se rapprocher de la Bretagne. L'idéal, ce serait de rester cheminot, de monter une bergerie. La sécurité, le pays, la terre. À la SNCF, le mariage permet le rapprochement. Il se marie et il se fait muter au Mans en 1977. Convaincu que, décidément, sa véritable vocation est l'agriculture, il demande sa mutation à Lorient qui lui permettra de s'installer ni trop loin ni trop près des terres paternelles et éventuellement d'en attendre l'héritage à la retraite des parents. Voilà, on a le cas là d'un ruraux agriculteur, fils de ruraux agriculteurs qu'on appelle déchirés, qui ne sont pas vraiment urbains, mais qui veulent retourner au village avec l'expérience de la ville. On les retrouve un peu plus tard, en 3-2, voilà, les mêmes garçons, oui, d'Arzano. Alors, il fallait que je rentre. Alors, je suis rentré. J'ai pris une carte d'abonnement à SNCF. Toutes les semaines, pendant 2 ans, je suis rentré à Arzano. Cela... ça m'arrivait de rentrer pour 24 heures. Je ne pouvais pas passer le week-end à Paris. Le changement pour moi se faisait dans le train. Il y a 2 personnages. Celui qui bosse à Paris et le Breton qui rentre chez lui pour s'amuser, retrouver ses copains. On s'y fait à ces 2 personnages, à ce mode de vie divisé en 2. Au contraire, Paris était pour moi un refuge. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que ma région avait de l'importance, mon village. Je ne me serais pas aperçu si je n'étais pas parti. Alors, certains recréent un village à Paris, un village breton à Paris, comme nous verrons tout à l'heure, et ceux-là gardent le village à l'origine et vivent leur vie de Parisien à Paris et de Breton en Bretagne. Alors, on a un cas intéressant de réussite. On va donner un type de réussite parce qu'au début, la migration à Paris a été très dure pour les Bretons parce qu'ils étaient essentiellement employés comme terrassiers pour faire le métro, pour faire les usines à gaz de Saint-Denis. Et ils ont fait le métro à Montparnasse, comme vous savez. Et ils ont travaillé avec l'ingénieur Bienvenu, qui était de Saint-Brieuc, je crois. Et ils ont été... La migration à Paris était très ancienne, mais très rare en même temps pour les Bretons. Ils faisaient des métiers qui n'étaient pas du tout comme les Limousins, être maçon, comme les Auvergnats, être... Limoisadier, enfin bois et charbon, comme les Basques, d'autres, comme les Auvergnats aussi, ferblantiers, et ils n'avaient pas vraiment de filière, ce qui était gênant pour eux de ne pas avoir de filière. On arrive au moment en Bretagne où on travaille avec Guy en 72, et l'année cruciale où, au Morbihan en particulier, le nombre d'ouvriers urbains et le nombre de paysans, donc ruraux, arrivent à égalité en 72. Il y a autant d'urbains que de ruraux. Juste à ce moment-là, la courbe descend pour les ruraux et remonte évidemment pour les urbains en 72 avec 200 000 à peu près de chaque côté pour 600 000 habitants Morbihan. Donc, on a un cas, non pas de réussite ouvrière à Paris, mais de réussite dans un métier indépendant. C'est important pour un fils de paysan, avoir son indépendance comme on l'a sur sa terre. Il s'agit d'un coiffeur, qui est bien connu, puisque son portrait a été reproduit dans plusieurs revues bretonnes, la réussite du coiffeur breton à Paris, numéro 4. 5. Voilà. Henri de Guerne. Guerne, pardon, est originaire d'une famille de paysans très pauvres, de 6 enfants. Son père doit quitter une exploitation non rentable pour s'employer chez les autres. Sa mère meurt à 3 heures comme le Christ. Alors que les enfants sont encore jeunes, il apprend le français en entrant à l'école à 7 ans. Il fait des saisons en Beauce. Un seul projet, une vocation, être coiffeur. Alors, il achète un lapin avec une idée en tête. Je cite, j'ai élevé le lapin exprès, puis j'étais à Pontivy un jour, et toute la matinée, je lorgnais une tondeuse à barbe. Il me manquait 3 francs. Je tournais tellement autour qu'on m'a remarqué. Finalement, je l'ai eu pour 22 francs, mais il doit y avoir une erreur de... ça doit être 2 francs de... et j'ai tondu le lapin. Il valait 25 francs. Ah oui, alors 22. Ah ben non, y a pas des... c'est moi qui fais erreur. Et j'ai tondu le lapin. J'ai commencé par me couper les pattes, moi-même. J'étais rasibus. Et puis je baratinais les petits vieux pour qu'ils se laissent faire. Les petits pères, je leur collais un bol sur la tête. Et je coupais. Et puis, alors, il coiffe les jeunes. Il acquiert ainsi une petite clientèle. Après le service militaire, où il se fait la main, comme on dit, entre guillemets. Il a la chance d'arriver à Paris au moment de la mode des cheveux en brosse. Au bout de 4 ans, il devient un champion de la coiffure et invente la coupe au rasoir. Après avoir exercé comme employé de nombreux salons, il décide d'acheter le sien. Avec l'économie de tous les copains bretons, je suis arrivé à m'installer. Si je n'avais pas eu les copains, je n'y serais jamais arrivé. Les banques ne prêtaient pas. C'était le succès. Il fait des affaires d'or. C'est le moment de se marier, mais il a sa petite fierté. Je ne voulais pas me marier avec une fille de la campagne, de chez moi. Je voyais que j'étais un peu évolué. Je voulais bien me marier avec une bretonne, mais une bretonne de la ville. Il connaît sa femme, mi-bretonne, mi-normande, pardon, au bal des Bretons plus tôt. Le mariage, c'est moi qui l'ai payé. Mon frère m'a aidé, et les copains aussi. Puis la réussite aidant, c'est lui qui s'installe, qui installe les autres. D'abord les membres de la famille, de sa famille. J'ai installé mon frère au métro Goncourt. Je lui ai payé l'appartement. Ma sœur, je lui ai payé le pavillon. Après, c'était un devoir de les installer tous à Paris. Puis les autres bretons dans sa profession, ils font d'une amicale des sites des coiffeurs bretons pour que les jeunes ne connaissent pas les mêmes difficultés. Hormis l'association des cadres bretons, c'est à notre connaissance un des seuls exemples d'organisation professionnelle bretonne. Henri conserve par ailleurs le mode paysan de sociabilité avant de s'acclimater sous une nouvelle forme. Quand j'ai débarqué à Austerlitz, la première fois que je suis arrivé à Paris, je suis allé dans le métro. Je croyais qu'on discutait avec tout le monde. Je tutoyais presque tout le monde. J'avais appris à l'école qu'une personne, c'est tu, deux, c'est vous. C'est vous. Je parlais à tout le monde. J'étais pas gêné. Je demandais mon chemin comme à la campagne. Je me perdais dans les changements, le métro, le bus, cette grande banlieue autour de Paris. C'est si grand. C'était l'inconnu. Bon. J'étais dans un tunnel. Et plus tard, il reconstituera dans le sous-sol de son pavillon un vrai bistrot breton qu'il est tout seul à apprécier. La réussite aidant, il se présente aux élections comme députable réformateur. Et puis il reconnaît que le manque de culture, ça lui a manqué. L'avoue que se ferme par les retours aussi fréquents au pays que possible au pays. Il s'y retrouve enrichi, arrivé sans désir de paraître, mais avec celui de raviver les racines originelles. Alors, on le cite. Lorsque je vais chez les cultivateurs, il ne dit pas paysan, hein, signe de respect, une distance. Ils savent ce qui me fait le plus plaisir. C'est une bolée de cidre et du pain noir. Là, je suis heureux, je casse la croûte. C'est le plus grand plaisir qu'ils peuvent me faire. Ça me rappelle mon enfance, mes origines. Quand je retourne en Bretagne, j'y vais pour une journée ou deux. Mais quand je suis là-bas, je ne peux plus repartir. Il y a quelque chose qui me retient. Quand j'arrive en Bretagne, une heure après tout le village est chez moi. Je suis reparti dans une autre ambiance totalement différente. Je vis. Voilà quelqu'un qui vit, qui a réussi. Et c'est un exemple tout à fait caractéristique du démarrage d'une filière nouvelle, un peu comme celle des Auvergnats. Et ça marche chez les coiffeurs, là, chez les transporteurs et les chauffeurs de taxi. On est arrivé en Bretagne, moi je suis breton, mais enfin on est arrivé en Bretagne au moment où démarraient ces nouvelles filières qu'on veillait à Paris et dont on faisait des retours nous aussi entre la Bretagne et Paris. Et on voyait que ces personnes commençaient à repérer dans Paris les ressources de la ville qu'ils pouvaient utiliser, alors que dans les débuts de la migration bretonne à Paris, ils étaient beaucoup plus dominés par la ville et les urbains qu'ils l'ont été 30 ans plus tard. Aujourd'hui, encore 30 ans plus tard, et c'est une nouvelle génération de Bretons de Paris qui sont beaucoup plus ancrés dans le monde culturel et militant, comme déjà on l'était, il l'était dans les années 70, on voit dire le basculement se produire, la fin des associations bretonnes, des missions bretonnes, de l'entraide bretonne, la fin de l'importance des paroisses bretonnes à Paris, les paroisses bretonnes de Puteaux, de Courbevoie. On verra, si on a le temps, la formation d'un village breton à Paris, enfin à Levallois ou à Pointe-Saint-Gervais, avec avant un portrait de quelqu'un avec un échec cuisant à Paris. Alors, j'étais l'aîné, les autres ont suivi, décidé aussi à quitter la Bretagne. C'est un homme qui parle, hein, encore fils d'agriculteur. Oui, alors décidé aussi à quitter la Bretagne, comme si son pays dans la terre n'avait plus de sens, et qui achète sa première valise en vendant des champignons et un lapin. Après un passage dans les plaines Beauceronnes, l'arrivée à Paris, malgré un irrésistible mal du pays, est riche de quelques promesses. J'entendais beaucoup parler de Paris, toujours en bien, je sais pas pourquoi. Le désenchantement est rapide. Je voyais Paris autrement. Une chose m'a beaucoup manqué, c'est la sympathie qu'on a dans le pays. Cette chaleur humaine m'a manqué, je voulais retourner et je veux toujours d'ailleurs. Célibataire, son cheminement dans la capitale le mène d'hôtel en hôtel. Les relations n'ont pas le temps de s'établir. Au travail, dans le bâtiment, les chantiers se déplacent eux aussi. Les camarades chantent souvent. Les relations n'ont pas le temps de s'affermir. La journée terminée, chacun rentrait chez soi. C'est dur quand on est habitué à rester ensemble, discuter entre voisins. J'ai eu des relations de travail. Ça ne vaut pas les amitiés de là-bas où on peut parler de tout. Ici, chacun fermait sa porte et voilà. Comment imaginer que l'on puisse vous laisser tout un hiver dans une chambre d'hôtel, crachant le sang, sans voir ni un docteur, ni avoir une visite de gens de l'hôtel. J'étais écœuré, je suis resté plusieurs jours sans manger, sans voir personne. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Alors voilà, ici, là-bas, les deux pôles d'un monde où on apprend à être un autre et entre lesquels se joue le jeu des « nous », des « ils », des « eux » et des « on ». Alors, là-bas, chez nous, on prête. Ici, les gens, ils ont toujours peur qu'on les vole. Et finalement, quand on leur prête, c'est eux qui ne rendent pas. je ne comprends pas, on finit par devenir méfiant comme les autres. Là-bas, ils se retrouvent entre vous, entre eux, parce qu'ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin les uns des autres. Ici, c'est chacun dans son coin, chacun son clan. Et la conclusion aiguë, même pour jouer à la pétanque, il faut être membre d'un club. Donc celui-là a loupé le coche des associations. Normalement, personne ne vient en ville, aucun porteur ne vient en ville. Il n'y a pas quelqu'un, au moins une personne. Sinon, comme est aujourd'hui la migration algérienne ou africaine, il faut au moins avoir quelqu'un du village ou association, si c'est un anonyme. Sinon, ça ne marche pas. Deuxième chose, pour arrivé en ville, il faut sûr qu'il a développé, il faut avoir un projet. S'il n'y a pas de projet professionnel ou culturel, ça ne peut pas marcher. On voit que là, il n'a pas tellement de contacts. Il part tout seul d'abord, et quand il arrive là-bas, il n'y a personne pour l'accueillir, même pas sa sœur. Alors que la sœur à Paris, comme on veut la voir maintenant, et c'est un des témoignages à l'époque, il m'a le plus ému, l'arrivée de cette femme, fille d'agriculteur à Paris, qui arrive et qui va rêver d'acheter un manteau en daim. C'est le 6. Oui. Alors, elle est au village jusqu'en 1960. Hein. C'est une femme qui parle à 18 ans. Non, à 20 ans. Ah oui, alors, mon père est mort jeune, j'avais 18 mois, on était 3 enfants à charge, ma mère nous a élevés toutes seules, nous on a toujours beaucoup travaillé pour améliorer aussi bien la ferme. Tout jeune, on a beaucoup travaillé pour pouvoir acheter du terrain, pour agrandir la ferme, après mon frère a continué. J'étais habitué au travail dur, on a travaillé en famille, il n'y avait pas une question d'argent, on n'était pas aides familiaux. Il fallait bien être courageux. On a acheté les terrains à vendre à côté des nôtres. On empruntait et on remboursait. Le jeune frère avait un métier en main. Il était parti travailler à l'orphelinat de Saint-Yves. Lui, à elle, lui, la terre ne l'intéressait pas. Donc la ferme revenait à l'aîné, étant donné qu'il avait toujours travaillé comme moi. On a travaillé très dur les 28 mois qu'il était parti au service, sans homme à la maison. On avait un cheval et une charrette. On n'avait pas peur de travailler, ma mère et moi. Maintenant, à Paris, en 1977, hein, au village, c'était jusqu'en... 17 ans plus tard. Ouais. Hein, n'étant pas aidé, mon frère et moi, parce qu'on n'avait pas de l'argent par nos parents, j'estime qu'on est arrivé à un bon résultat. On n'a pas eu notre père pour nous aider, mais enfin, on a surtout beaucoup travaillé pour avoir ce qu'on a. Mon frère est arrivé à avoir une très belle ferme. De mon côté, je ne suis pas à plaindre parce que je suis arrivé à avoir ma maison, l'appartement à Paris. En disant quand même, j'ai favorisé les choses parce que j'ai quand même beaucoup travaillé et qu'il y en a qui n'arrivent pas à l'avoir parce que soit ils sortent beaucoup, soit quand on ne veut pas, on ne veut faire que 40 heures par semaine et que moi, j'ai quand même fait des heures et des heures pour arriver à avoir quand même quelque chose. Je vous dirai, maintenant, j'en fais moins. Mais enfin, j'ai surtout beaucoup travaillé. Il faut aider un peu la chance. Hein. Mais quand on n'a pas de parents pour vous donner de l'argent, il faut travailler avec ses bras. Mais surtout, il faut savoir économiser. Et alors, il y en a qui partent en week-end, qui sortent beaucoup, et que moi, ce n'est pas le cas. Moi, je sors très peu parce que, premièrement, je n'ai pas les loisirs. Je n'ai jamais eu de loisirs. Je travaille toute la semaine comme serveuse dans un café. Il n'y a que le samedi que je finis à 16h30. Je travaillais le dimanche et jour de fête. Je ne me suis jamais retrouvé en famille à M que cette... année pour le 1er janvier. Après, dès que j'ai eu mon premier mois, 250 francs, j'ai acheté le nécessaire pour sortir. Le premier gros achat, ça a été un manteau en daim. J'avais la folie du daim, 600 francs. C'était un an après mon arrivée. Ça m'a beaucoup touché à l'époque. Je me souviens encore de cette dame, tellement généreuse et tellement travail, comme à la ferme, travail. Elle était l'aînée, mais normalement, elle est récupérant la ferme. Mais comme le frère avait travaillé aussi comme elle, comme aide familiale non payée, comme vous savez, elle a décidé et laissé sa part au frère et elle n'a pas demandé de remboursement de sa part à son frère. C'est possible à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus dur de faire ça. Alors, on va abréger un peu parce qu'on sait qu'il faut avancer et voir un petit entracte et en image. On va vous donner quand même cette histoire de constitution d'un village breton à Paris et non pas au village d'origine, avec un village breton constitué par des Bretons des Côtes du Nord, Côte d'Armor, auprès de Saint-Gervais. Au revoir, Ronan. Au revoir. À bientôt. Hein. Alors, vas-y. Alors, on y va. Nous avons eu le sentiment d'assister au Pré Saint-Gervais à l'éclosion d'un lieu de rencontre privilégié où d'anciens et nouveaux migrants, ceux-là accueillant ceux-ci, organisant l'entraide pour ce qui concerne le premier logement, parfois le premier emploi. Bon, alors. Avoir quelqu'un sur place, dit le fondateur, originaire de Gouerne et premier locataire du pavillon, on se sent beaucoup plus rassuré. Moi, j'ai eu ma tante, mon oncle, et puis c'est nous autres pour ma sœur maintenant, qui arrive du village. Elle est arrivée, elle n'avait pas de soucis à se faire, sauf chercher du travail. La sœur elle-même, un an après, accueille et guide à Paris une amie venue du même village, puis se retrouve là aussi des Parisiens, dont un de Belleville, plus titique nature, un breton originaire des Côtes du Nord, compagnon de la sœur, rencontré à Paris, et même un Auvergnat. Tous conservent avec un plaisir évident les traces de leur accent d'origine. Là, l'on n'y sacrifie pas au culte de la Bretagne, bien que la présence du village se fasse toujours sentir par les histoires et les objets, par exemple le panier à grains. L'essentiel des activités collectives tourne autour de deux domaines. La réparation des voitures des membres du groupe et de leurs amis dans un système apparemment complexe et non lucratif d'échange de pièces et d'heures de travail, mais surtout autour du ravitaillement, à la complexité encore plus manifeste, où nous n'avons pu repérer que les trois pôles d'origine de la Provence. Bon, les Côtes du Nord pour les produits frais de la mer, arrivage direct de Coquille Saint-Jacques, les Halles de Rungis pour les pièces de viande fournies par le compagnon de la sœur, boucher de son état, les clapiers et les poulaillers domestiques au fond du jardin pour les lapins et la volaille. Il va sans dire que les prix et la qualité des produits accédant à la table des consommateurs de la communauté défient la comparaison. Enfin, un petit élevage de chiens, des chiens de chasse, complète le tableau. On vit dans ses moyens et, si possible, au-dessus. Les rapports d'entraide et d'échange l'emportent sur les rapports d'argent, les rencontres festives sur les rencontres de travail, les relations affectives sur les relations d'intérêt matériel. Aucune ostentation, sinon celle du savoir-faire. Nous saurons tout sur les techniques de démarrage d'une voiture quand on a perdu sa clé et du savoir-dire, c'est à qui racontera la meilleure histoire de combine. Et justement, si nous sommes un peu attardés à la description sous des couleurs peut-être roses de cette micro-société, c'est pour nous demander si la combine ne peut être envisagée comme élément culturel intégrant du groupe d'affinité. Ce n'est pas le lieu de répondre à la question, disons simplement que si la combine n'a rien de particulièrement rural, elle serait peut-être tout de même ici comme l'acclimatation en ville d'un mode de relation campagnard perdu par la migration. Et elle serait ainsi révélatrice de la constitution de fraternité, sinon d'identité. Voilà, alors là, on a un exemple parfait de... dans la migration, le bricolage rationnel est tout à fait essentiel pour conforter ce qu'on peut gagner et ne pas perdre ce qu'on pourrait perdre. Ça veut dire, on essaie de changer le moins possible pour changer beaucoup et de muter le moins possible pour muter beaucoup. Et c'est un bricolage permanent qui permet une culture ouvrière, une paysanne de se réaliser au quotidien. C'est absolument des échanges pratiques et concrets. On bricole, on échange, on fait la combine, comme ils disent, mais c'est essentiel pour recréer la culture ouvrière de solidarité, de l'entre-soi, comme disait George Orwell dans 1984, entre autres. On a besoin d'avoir des gens avec qui on vit le face-à-face pour pouvoir échanger des biens affectifs, matériels et symboliques. La migration marche dans ces cas-là et ne marche pas s'il n'y a pas ces cas-là. On va terminer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'image du Breton à Paris et l'image du Parisien vu par des Bretons. Et on va entrer directement dans le dialogue d'un couple déjà près de la retraite entre la femme et l'homme pour savoir où ils vont aller. Et elle est urbaine, est devenue urbaine à Paris, et lui est resté un paysan de Paris, comme disait Aragon. Il n'a pas envie de retourner autrement que dans son village. Un débat très intéressant en huit. On terminera là-dessus, à vrai, on verra quelques images. Alors, ce dialogue de deux époux, lui d'origine agricole et elle d'origine ouvrière rurale. Oh, pardon. Ce dialogue de deux époux, lui d'origine agricole et elle d'origine ouvrière rurale, qui portant sur le choix du lieu de la retraite, illustre bien cette divergence de point de vue à propos de la ville et de la campagne. Alors, lui, à la retraite, je sais que je ne resterai pas longtemps là, à Paris. Interrogatif à sa femme. Tu m'as dit que tu ne viendrais pas à la retraite. Et elle, ah, dans ton village, évidemment. Et lui, de toute façon, j'en trouverai bien une autre là-bas. Rire. Enfin, en tant qu'ami, pour sortir, je peux pas sortir tout seul. C'est ce que je vois, enfin, dans mes projets d'avenir, comme on dit. Elle, pas dans un village. À Hennebon, c'est déjà la petite ville. Lui, on sera heureux, il y aura des groupes d'amitié là-bas. Elle, dans le village, il y a 4-5 fermes, pas de commerce, rien. Bon, et lui, ton frère qui a acheté dans la brousse là-bas, il fait pas tant de chichi et ils sont heureux. Elle, je m'ennuierai. Qu'est-ce que je ferai toute la journée là-bas? Et en plus, quand il parle breton, j'y comprends rien. L'enquêteur, vous parlez pas breton? Elle, si. Mais je comprends pas celui-là, le dialecte de la localité de l'époux. Et la conversation se termine ainsi. Elle, pars si tu veux, moi je reste. Et lui, en riant, la femme doit suivre son mari, normalement. Elle dit par ailleurs, et puis je sais, je préfère la vie en ville que dans un petit village comme ça, pas forcément Paris, mais enfin la ville. Voilà bien un débat assez classique entre un homme et une femme. Et les femmes sont, c'est connu, plus humanophiles et les hommes aiment bien la ville à condition qu'elle ressemble un peu au village. Vas-y, à toi. Alors, vas-y. Je dirais quelques mots simplement sur la migration en conclusion des portraits qu'on vient de voir. La migration a été très ancienne à Paris, mais très pauvre et très peu nombreuse. On sait que les Bretons faisaient des chantiers au XIXe siècle, et à Suez, par exemple, ou pour le métro plus tard, ou pour des saisons, mais pas à Paris, à Jersey, les pommes de terre, les oignons, les moissons, et pour le plus dur, pour les paysans bretons que j'ai connus en tout cas, qui allaient régulièrement en Beauce et en Bourgogne pour faire des saisons de betteraves. C'était terrible. Ils revenaient épuisés, avec à peine de quoi vivre pour 3 mois. Donc, il n'y a pas de migration saisonnière urbaine, comme c'est le cas chez les Limousins ou Auvergnats. Mais on voit ici par les portraits que les filières de migration sont en train de se constituer. En 72, ça bascule. Ça bascule beaucoup entre les paysans qui disparaissent et les ouvriers qui vont, et les paysans qui vont vers l'usine pour trouver du travail au moment où les usines commencent à fermer. C'était un désespoir assez important. Deuxièmement, une migration récente donc et démographiquement très importante. Deuxièmement, une migration à Paris avec des professions très dispersées. On était chauffeur, fonctionnaire, coiffeur, boucher, maraîcher, concierge, agent de lycée, hospitalier, gérant de café, postier, policier, et plus rarement étudiant, ouvrier, quant aux moyens, professeur. Une grande dispersion de professions, donc pas de filières, et peu d'entraide dans des filières, sauf celles qu'on le crée. Troisièmement, une importance d'une famille, de la famille, de la sœur en particulier, de la famille restreinte, et ça ressemble un peu au solidarité bocagère. La Bretagne n'avait pas encore connu toute la période de remembrement. Il restait encore une sorte de civilisation, de socialisation assez bocagère, par opposition aux vallées, aux montagnes, qui sont des systèmes de circulation très différents. Ensuite, il y a encore un fait très important pour les hommes comme pour les femmes, découvrir en ville l'indépendance, la solidarité et l'indépendance qui fait son chemin dans un cas de pénurie relative, mais qui est un apprentissage de la ville aussi important que l'apprentissage politique. Les plus jeunes vont se rebeller contre l'arrogance des chefs et des petits chefs. À l'époque, vous savez, c'était après 68. Donc, les jeunes ont été bretons, migrants à Paris, les premiers à militer pour la Bretagne dans des associations comme Thiers Monkeys, que vous connaissez peut-être, ou la Rue de l'Homme, qui était la suite des associations missionnaires et non plus créé par l'abbé Gauthier, l'abbé Camédard, et qui ont aidé beaucoup à apprendre aux Bretons à être, pas politique, mais à être offensif, au moins sur le plan culturel. Et ça, c'est une grande variation dans la manière d'affirmer sa Bretonnité à Paris dans les années 70. Enfin, on ne va pas rencontrer quelqu'un à Paris si on n'a pas le même statut que lui, sur le plan social, sur le plan de la richesse apparente. On va voir des amis ou des confrères ou des frères ou des sœurs qui sont au même niveau social, pas trop riches, pas trop la ramenant. Sinon, on préfère éviter tant qu'on n'est pas arrivé au même niveau. Enfin, les nouvelles tendances de la migration bretonne peuvent se résumer en quelques données : élargissement du réseau d'accueil, constitution de filières, recentration sur l'origine, comme on l'a vu, avec maintenant hommes et femmes. Alors avant, les filles étaient beaucoup plus urbaines, urbanophiles que les garçons. Maintenant, c'est à peu près la même chose. Les pôles, les filières sont les régions de résine. Autant, il y a une sorte de retour à l'origine qui est dans l'air du temps, comme vous savez, et qui fait que le village breton est devenu une sorte d'idéal campagnard qu'on essaie de recréer avec, par exemple, retour des paysans à la terre. Voilà. On va peut-être passer aux images. On a le temps un peu encore. 20 minutes, ça va. 5 minutes. Non, après, c'est à toi. D'accord. D'abord, je vous passe 5 minutes de mon film qui s'appelle « Un secret bien gardé ». On m'a demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire « je crois », ça veut dire « le secret du bonheur ». Mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est un village qu'on a créé à Kissigny, dans le Morbihan, entre Beau et Pontivy, sur le Blavet. Village abandonné depuis 2 générations qu'on a remonté morceau par morceau. Alors là, on va voir l'arrivée à Paris de la procession aux arènes de Louis XVI. Avant, il y a 2 minutes dans le village, avec ma déception de voir que mon métier, comme celui des artisans, est en train de disparaître. Mon métier de sociologue. Hein. D'ailleurs, comme celui du chaumier, mon métier était aussi en train de disparaître. La sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, ce n'est pas assez démocratique, pas vraiment rentable. Nous allions vers des temps nouveaux que nous refusions absolument. Le joli mai 68 était passé par là. Mais en 1975, 1968 finissait. Et au cours des années 80, nous avons basculé de l'insolence à l'indulgence compassionnelle. L'insolence donne des idées, la compassion des œuvres de charité. Et nous, par quoi allions-nous remplacer la vie paysanne, aussi dure était-elle et qui disparaissait peu à peu? Nous n'en avions aucune idée, pendant que s'élevaient partout les accents accablants et menaçants de la modernité. Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gains de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor. Étions-nous devenus archaïques avant d'avoir été modernes? Que venions-nous donc faire ici, sinon tenter une utopie, comme on en tente une à chaque génération? Utopie réalisable, nous en étions sûrs. Pour une modernité sans le progrès, pour le confort sans la technologie, pour un travail sans maître, pour un temps sans horaire, tout devait devenir le grand jeu dont nous réglerions nous-mêmes le tempo. Nous n'étions pas vraiment sortis de l'enfance, et nous croyions pouvoir nous rendre maîtres de notre temps et de notre propre vie. Nous habitions un monde étrange, sans demeure fixe. Nous ne voulions ni travailler, ni mourir de faim, ni exploiter quiconque. Puisque le droit au travail et le droit à la paresse, c'est le droit au temps qui nous paraissait le plus important. Nous n'avions aucune envie de nous affronter à ce qui était en train d'advenir. De fait, nous tournions en rond dans la nuit, et nous nous consumions par le feu. Au fond, nous voulions juste sauver notre peau. Pendant qu'on remontait leur village, les paysans d'ici s'installaient dans les villes. Je les suivais là où ils étaient partis, à Lorient, Paris, Le Mans, Dunkerque, à Gentilly, Champéret, Ivry, Montreuil, à Levallois, à Bagnolet. C'était mon travail. Ils s'arrangeaient pour garder le plus possible ce qu'ils avaient quitté. Légumes, poules, lapins, salades. Et le vendredi, le poisson arrivait en direct de chez les cousins et amis pêcheurs, de Dinan, Morlaix, Saint-Brieuc et Lorient. En échange, ils accueillaient des frères, des sœurs et des neveux. Tout ce réseau villageois, ils le reconstituaient au bout de leur chemin. Surtout les jeunes, les jeunes bretons du Kremlin-Bicêtre. Hein, vraiment, il manquait quelque chose au Kremlin-Bicêtre. Il y avait dans les communes comme Villejuif, Ivry, Vitry et d'autres communes, il y avait un groupe breton. Et nous désirons faire autant au Kremlin-Bicêtre. C'est ça qui manque pour les jeunes, ils n'ont rien à Bicêtre. On se mariait au bal breton de la mode Piquet, on se rencontrait dans les associations bretonnes de Paris et de la banlieue. Le curé de la paroisse bretonne de la rue de Lambre à Montparnasse baptisait, mariait et enterrait. Que reste-t-il quand on a tout changé? Que peut-on conserver quand tout est modifié? Filmé donc dans les années 60 sur le même sujet à propos de, on peut changer, oui, ah c'est là, d'accord, à propos de la procession aux arènes de vitesse. On voit que c'est pas très nombreux là, hein, mais ils existent encore. Vas-y. Il s'agit donc d'une... À Kerana, une maison très controversée par la famille d'Alain Sivel, Conchevelou. On a considéré que c'était une maison un peu réactionnaire. Alors, au contraire, ici, on est dans les arènes de Lutèce. Et trop rapide, hein, trop rapide. Comment il marche? Ça va très vite, hein. Oui, ça va. Ouais. Kerana s'appelle cette maison. Il y a beaucoup de problèmes autour du mythe de cette maison à côté de Paris. Et on redémarre aux arènes de Lutèce avec l'évêque Kerana à nouveau. Alors, pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui se passe?